de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Michel Jacquemin, accompagné de Georges. Bonjour, comment ça va? Très bien. Ça va bien, merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, je m'appelle Michel Jacquemin. Je suis président du club Vosgien de Vannier depuis 6 mois. Et moi, Georges Mangenot, tout le monde me connaît sur cette antenne puisque je suis le président de Radio Gemozo, mais je suis également un adhérent et entre guillemets animateur du club Vosgien de Vannier depuis quelques années. Et depuis quand est-ce que vous faites partie du club Vosgien de Vannier? Alors moi, je suis au club Vosgien de Vannier depuis 4 ans. J'ai d'abord adhéré à la section marche. J'ai notamment côtoyé Georges au cours de ses jours en 2019 et 2020, je crois, où on a fait une bonne partie de la traversée des Vosges. Voilà. Et auparavant, j'étais au club Vosgien de Remiremont. Et justement, c'est quoi l'association du club Vosgien? Alors, l'association du club Vosgien, en fait, c'est une... si on parle du Grand Est, c'est une fédération qui existe depuis 1872, qui représente 128 associations locales et à peu près 30 000 adhérents aujourd'hui. Et depuis quand est-ce qu'elle existe à Vannier? À Vannier depuis 1976. Vous disiez que vous faisiez partie de l'association depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors, je fais partie de l'association depuis 4 ans, mais je suis président de l'association depuis 6 mois. D'accord. Voilà. J'ai repris un petit peu comme ça la place de président parce que le monsieur qui était président avant moi avait 82 ans et la passation s'est faite sur un temps assez long parce que le monsieur n'avait pas trop envie de partir, mais tout en ayant envie de partir quand même. Et voilà, bon, il m'a quand même dit gentiment, écoute, ça serait quand même bien que je passe la place à quelqu'un de plus jeune. Ça ne doit pas être facile d'avoir cette responsabilité soudaine. C'est nouveau, j'ai été responsable toute ma vie d'autre chose, donc j'ai souhaité reprendre un nouveau challenge. Je sais que le club Vosgien de Vannier notamment a besoin de se rajeunir, de se renouveler, etc., etc. Donc voilà, j'ai pris cette position pour ce challenge. Puis avec les expériences passées que vous avez, ça vous a permis de diriger une équipe, donc vous avez déjà de l'expérience pour ça. J'ai l'expérience de la direction d'une équipe, mais j'avais l'expérience de l'entreprise, pas l'expérience de l'association. L'association qui ne sont que des bénévoles de partout, donc c'est totalement différent. Et justement, combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents à Vannier? Alors, Vannier, il y a deux sections, en fait. Une section marche où il y a 90-92 adhérents avec un président. Il y a une section VTT avec sa présidente où ils sont 35 adhérents. Et il y a ce qu'on appelle les trucs, les travailleurs retraités, pas utiles à la collectivité, qui sont des bénévoles et qui s'occupent des sentiers, de l'entretien des sentiers, du balisage. Et Georges fait partie des trucs. J'aime beaucoup cet acronyme truc. Et c'est quoi le balisage? Les personnes qui font le balisage, ils font quoi? Alors les personnes qui font le balisage vérifient si... Vous savez que les sentiers du club Vosgien sont indiqués sur les cartes hygiène notamment. Et ces balisages sont répertoriés sur les cartes hygiène au 25 millième. Et donc le travail des baliseurs consiste à vérifier si les sentiers sont toujours correctement balisés, s'il n'y a pas eu... un arbre coupé qui aurait mis un panneau à terre, des gens qui seraient amusés à enlever des panneaux, plein de choses, pour permettre la randonnée par les touristes dans les Vosges de manière assez aisée. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles actuellement, peu importe la section? Alors on est toujours à la recherche de bénévoles. Ceci étant dit, sur Vannier, on a vraiment beaucoup de chance parce que nous sommes quand même une 60aine de bénévoles pour s'occuper des sentiers, de l'entretien et des balisages. Pour à peu près 400 km de sentiers à entretenir. Bon, on est à peu près dans le confort, contrairement à beaucoup d'autres clubs. Mais bien sûr que si les bénévoles se présentent, on les accepte avec plaisir. D'autant plus que la zone de Vannier va donc Vannier, le syndicat, Gerbamont, Rochesson, Basse-sur-le-Rue, Thiéfosse, et un peu de Martin, Lermiremont. Et donc, il y a des zones où je rechercherai volontiers des parrains pour parrainer des sentiers. Le parrain de sentier, c'est quelqu'un qui va faire le sentier pour lui, qui va le reconnaître, qui va indiquer au truc ou aux adhérents des associations bénévoles ce qui serait à faire dans les semaines à venir pour faciliter le passage. Et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre si on veut devenir bénévole à l'association ? Le mieux, c'est le mail. Club Vanier, Club Vosgien Vanier 1@gmail.com. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos collaborateurs, les personnes qui travaillent avec vous ? Alors, je travaille essentiellement, moi, avec l'inspecteur des sentiers, puisque le club local a une représentativité auprès de la fédération par le biais de district. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est le district. Donc, inspecteur des sentiers, ça consiste à organiser justement ces travaux de balisage et organiser avec un responsable des travaux, organiser les travaux d'entretien. Donc, débroussaillage, petit abattage d'arbres, enrochement, faire des bancs, faire des abris, etc. Il y a des bénévoles qui doivent être spécialisés là-dedans, des menuisiers, des anciens menuisiers, etc. Oui, il y a des gens de métier où c'est heureux de récupérer ces métiers-là au sein du club, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées types à l'association de Vanier ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je suis surtout fédérateur. Comme l'association a une section marche avec son président, j'organise quelques marches, mais je ne suis pas forcément responsable de cette section-là. Pour le VTT, c'est pareil, il y a une présidente qui s'en occupe très bien, donc je n'interviens pas dans leurs décisions. Je suis surtout à l'organisation des sentiers, des trucs, et... Comment ? Je suis le lien avec les communes, avec le district, avec le département, avec la fédération du club vosgien. Voilà. Est-ce que vous vous réunissez des fois entre tous les présidents une fois dans l'année ou pas ? Oui. Oui, nous rassemblons. Alors, tous les présidents de la fédération sont rassemblés au moins une fois par an pour les assises de la fédération et puis peut-être une autre fois pour des choses un peu la sécurité sur les sentiers, etc. Il y a au moins deux rassemblements des présidents de la fédération par an. Et puis, bien sûr, nous avons notre assemblée générale où tout le monde est rassemblé pour le compte. Les adhérents, les présidents, et voilà. Et vous, Georges, comment est-ce que vous avez découvert l'association ? Alors, je connais le club vosgien de façon générale depuis très très longtemps. Déjà quand j'étais à Remiremont dans les années 60-70. Mais je n'avais pas adhéré à l'époque. Par contre, je faisais beaucoup de randonnées avec mes proches, que j'ai toujours fait tout le temps, jusqu'à quand je revienne ici dans les Vosges en 2016. Et là, j'ai adhéré au club vosgien de Vanier, tout simplement parce que le temps de construire ma maison à Remiremont, j'ai habité à la Croix des Hêtres, un endroit superbe et propice à la randonnée. Voilà. Et vous faites quoi dans l'association, vous ? Alors, je fais diverses choses. D'une part, comme beaucoup de membres du club vosgien, j'organise des randonnées à la journée ou à la demi-journée, ça dépend des saisons, où on propose une destination, un itinéraire. Et voilà, on met tout ça en route. Et je propose également, avec mon épouse et parfois d'autres personnes, des séjours. Alors, soit dans les Vosges, ce que j'ai déjà fait, Michel l'a dit tout à l'heure, en 2019 et 2020 avec le club vosgien, mais je l'avais déjà fait auparavant avec des amis. Et cette année, par exemple, c'est un séjour en Auvergne, qui aura lieu la semaine prochaine d'ailleurs, où nous sommes 48. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler des différentes activités de l'association de Vanier. On vous laisse avec Michel Sardou et son titre « Les lacs du Connemara ». A tout de suite sur Radio Gémozo. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour

Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Michel Jacquemin et Georges. Quelles sont les différentes activités que l'on peut pratiquer à Vanier? Alors, dans la section marche, vous avez la marche, évidemment. Marche randonnée, marche nordique. Section VTT, VTT assistance ou VTC. Et puis, les activités bénévoles, bien sûr, le balisage, l'entretien, la visite de sentier en reconnaissance, tout plein de choses, faciliter le travail, le parcours des touristes, ce que je disais tout à l'heure, vérifier si les balisages sont dans le bon sens, si c'est pas casse-pied, s'il n'y a pas une branche qui gêne, s'il n'y a pas un arbre qui est tombé, s'il n'y a pas, beaucoup d'activités de bon sens. Et Georges, vous disiez que vous organisiez quelquefois des randonnées, etc., mais ça doit demander un certain temps pour faire ça, puis vous faites pas ça tout seul? Oui, alors les randonnées à la journée, donc en général avec mon épouse, parfois avec d'autres personnes, on se concerte, on imagine un parcours, on va repérer ça sur la carte IGN, et puis avant de lancer cette randonnée, on va reconnaître le parcours, vérifier s'il n'y a pas d'obstacles, de passages difficiles ou dangereux, afin de pouvoir prévenir les participants des éventuelles difficultés. Et le parcours est classé de 1 à 4 en fonction alors, du dénivelé, de la distance et des éventuels dangers, difficultés rencontrées. Pour les séjours, ça demande de la préparation, donc il faut bien entendu retranscrire tout ça, vérifier la distance, les altitudes, etc. Pour les séjours, c'est beaucoup plus prenant, puisque là, c'est des séjours de 5 à 6 jours, et il faut imaginer, pareil, à partir des cartes, qu'est-ce que l'on peut faire, et après se rendre sur place préalablement. Donc ce que nous avons fait à 4, au mois d'avril, nous sommes allés en Auvergne et nous avons repéré l'ensemble des parcours et adapté parce que à certains moments, il y a des difficultés ou des dangers potentiels trop importants et on rectifie ces parcours-là. Voilà. Et évidemment, ça prend du temps parce qu'il faut mettre tout ça en musique sur ordinateur et envoyer le contenu à tous les participants, parce qu'il y a aussi effectivement le lancement de la proposition, enregistrer les inscriptions, les acomptes, les paiements. Hein. Il faut trouver un hébergeur aussi sur place, ce qui n'est pas toujours simple. Quand on parle de la désertification des zones rurales, je crois que là où nous allons la semaine prochaine, c'est sans doute un des endroits les plus désertiques de France que je connaisse. Ce sont pour l'essentiel des petits villages et des hameaux. Donc, ça n'est pas sans poser de problème, mais nous n'avons trouvé qu'un seul et unique hébergeur. Voilà, mais ça a pu se faire et c'est en route. Et ça serait où? Alors, c'est dans ce qu'on appelle le massif du Cézallier. C'est entre le massif du Sancy et la chaîne des puits, avec le plan du Cantal et le Puy-Méry, c'est des petits villages qui diront rien à personne, mais c'est autour de Condat, d'Allanche, d'Église Neuve d'Entraigues, voilà. C'est là où il y a eu, c'est au sud de l'endroit où il y a eu un terrible orage, il y a 2 ou 3 semaines, qui a ravagé le village de Champex, où les routes ont été emportées par les inondations. Et j'imagine qu'il existe différents niveaux, non, pour les randonnées? Parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Alors, tout le monde n'a pas le même niveau en fonction, je dirais, surtout de la vitalité des personnes. Alors, le club Vosgien, c'est pas un club de jeunes. Bonjour les jeunes, et on vous appelle à nous rejoindre. c'est essentiellement des gens de 60-70 ans, hein, dans ces deux décennies-là. Il y en a un petit peu en dessous et un petit peu au-dessus. Nous avons des octogénaires qui viennent randonner et qui sont pas les plus faibles, hein. Enfin les plus faibles, façon de parler, je dirais, ceux qui manquent le moins de vitalité, enfin manquer, non. La vitalité, c'est en fonction de comment on devient, comment on vieillit, voilà. C'est la vitalité que j'avais il y a 10 ans n'est pas la même aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire. Donc les gens vont s'inscrire en fonction des difficultés. Et dans le Cézallier, c'est un ensemble de randonnées faciles, on va dire, qui vont se situer entre niveau 1 et 3. 3 parce qu'on va avoir un parcours qui sera un petit peu plus long, c'est-à-dire au-delà de 15 km. Par contre, il y a un autre séjour qui est organisé aussi dans les Alpes fin août, début septembre. Alors je n'en suis pas l'organisateur, mais là il y aura deux groupes de niveau. C'est-à-dire il y aura pour les gens qui monteront plus haut, qui font des parcours plus longs, et puis un autre groupe où on va faire des randonnées d'une quinzaine de kilomètres et où on va monter avec des dénivelés moins importants. Et justement, c'est quoi des dénivelés ? Alors la dénivelée, c'est la différence d'altitude entre un point X, le point de départ par exemple, et le sommet sur lequel on va monter. Si on part du lac de Retournemer par exemple, et qu'on va à la Chlourte, on va avoir un dénivelé assez important qui est de l'ordre de 400 à 500 mètres. Hein. Si on va au Honeck, c'est encore plus important. Et j'imagine qu'il faut un équipement particulier pour faire de la randonnée. On ne peut pas y aller en basket comme ça. Alors, il peut arriver que certaines randonnées qui sont faciles, on puisse y venir en basket, mais nous recommandons et parfois nous exigeons, et sur certains sentiers d'ailleurs, c'est inscrit à l'entrée des sentiers, c'est exigé. Il faut avoir des chaussures de marche crantées, bien crantées, hein, en bon état. Et nous recommandons très souvent l'emploi des bâtons de marche. Alors, j'ai vu un sentier dernièrement, c'est la roche du lac au-dessus du lac des Corbeaux, où, sur ce sentier-là, les chaussures de marche crantées sont obligatoires. Là où nous allons dans le Cézallier, c'est plus simple. Il n'y a pas de difficulté majeure, là. Il y a des franchissements de parcs, il y a des choses comme ça, mais c'est pas difficile. Et les bâtons de marche, ça permet d'avoir plus d'appui quand on marche ? Alors, le bâton de marche, c'est effectivement un moyen technique de se ménager, de conserver ses forces et de pouvoir... on peut aller plus vite, mais surtout pour durer, parce que c'est ça qui est important. Quand on va faire une randonnée de 15 ou 20 ou parfois plus en kilomètres, il faut pouvoir durer. Alors comme c'est à la journée, on a un sac à dos avec les éléments nécessaires pour la journée, c'est-à-dire la pèlerine si jamais il y a de la pluie ou de l'orage. Enfin, c'est une alerte orage orange ou jaune, on ne part pas. Hein. S'il y a des vents forts, des orages forts, la randonnée est reportée. Mais on va avoir les aliments pour se nourrir, de l'eau pour boire 1 à 2 litres par personne par journée. Et en hiver, il faudra avoir des bonnets, des gants, des écharpes, pour se prémunir du froid. On peut très bien monter au Honeck en hiver, en raquette aussi. Et avec un vent glacial, si la bise s'est levée, qui va être assez prenant. Et c'est quoi qui est plus physique ? C'est la randonnée pédestre ou la randonnée nordique avec les raquettes ? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la randonnée nordique. La randonnée nordique relève du sport. La randonnée relève, elle, y compris les raquettes, du loisir. Pour la randonnée nordique, c'est beaucoup plus physique. On marche beaucoup plus vite. La vitesse peut être de 5 à 6 km heure en moyenne. Alors qu'en randonnée pédestre, on est entre 3 et demi, parfois moins de 3 hein, si on monte un fort dénivelé. Et en raquette, on est entre 2 et 3 km heure. C'est un peu plus difficile. Tout dépend aussi de l'état de la neige. Et quelle est la durée moyenne d'une randonnée, que ce soit l'été ou l'hiver à peu près ? Alors, en hiver, ce sont des randonnées, en règle générale, à la mi-journée. C'est rarement à la journée. Ça peut être aussi des randonnées nocturnes. quand il y a la pleine lune, c'est pas désagréable du tout, d'autant plus que le sol est tout blanc, donc on a une bonne visibilité. Et les randonnées pédestres en été, enfin le printemps, été, automne, c'est des randonnées à la journée. On emmène son casse-croûte, les encas, parce qu'on fait des pauses dans les randonnées. C'est pas marcher, marcher, marcher. Il y a généralement une pause en milieu de matin, une pause en milieu d'après-midi, et puis la pause déjeuner, avec la possibilité de faire la sieste si le terrain s'y prête. Voilà. Donc c'est pour le plaisir, hein. C'est pas quelque chose de sportif et de trop physique. La marche nordique qui se passe ce mercredi matin, c'est 2 heures, mais c'est 2 heures assez intensives. Il y a pas mal de fortes chaleurs en ce moment. Est-ce que vous avez des horaires où c'est plus propice à faire de la randonnée, par exemple, est-ce que c'est mieux le matin ou plus en fin de journée? Alors, on va essayer de privilégier plutôt le matin et surtout, on essaie, c'est pas toujours possible, mais de caler les parties ascendantes le matin et les parties descendantes l'après-midi. C'est bon, mais c'est pas toujours le cas. Hein. S'il y a de très fortes chaleurs, c'est-à-dire que les températures sont au-delà de 35 degrés, c'est arrivé l'année dernière où des randonnées ont été reportées parce que et quand même, il peut y avoir des gens qui peuvent faire des malaises, hein, qui aient des difficultés, on ne va pas prendre ce risque. J'ai bien dit, c'est une activité de loisir, c'est pas pour aller se tuer, hein, c'est comme on dit, voilà. Et vous définiriez votre niveau de randonnée comment? Est-ce que vous êtes confirmé, etc. Pas débutant pour le coup. Alors, on a des gens, quand ils adhèrent nouvellement au Club Vosgien, qui sont des débutants. Et nous demandons toujours, quand on fait un séjour dans les Vosges ou ailleurs, de plusieurs journées, que les gens participent préalablement à 3 ou 4 marches en journée, pour que nous puissions juger, c'est un grand mot, mais évaluer leur capacité à marcher et à durer. Parce qu'on peut avoir parfois des gens qui viennent et qui présument de leur capacité. Bon, jusqu'à présent, ça nous est pas arrivé de dire à quelqu'un « non, tu viens pas ». Mais en fonction parfois de la forme physique, les gens vont s'évaluer aussi. Hein. Il y en a peut-être qui se surestiment ou qui se sous-estiment. Non, pas vraiment. Alors, surestimé, je ne sais pas, mais je crois pas. Sous-estimé, non plus. Alors, monsieur Jacques, moi, est-ce qu'il faut réserver pour participer à une randonnée? Il faut réserver pour participer à un séjour. Les randonnées du week-end, les randonnées du dimanche ne sont pas sur réservation. Les organisateurs, et j'en suis, on aime aussi connaître un petit peu, détecter le nombre de participants à ces randonnées pour notamment un moment de convivialité à la fin, puisqu'on fait toujours un petit moment de convivialité à la fin de nos randonnées. Et pour les marches du mardi, puisque nous faisons des marches du mardi, à un niveau un petit peu plus en deçà, on va dire, pour des gens qui ont envie de marcher un petit peu moins, qui font entre 6, 8, 10 kilomètres et un dénivelé de 200 mètres, hein. Pour les marches du mardi, on demande à s'inscrire. Voilà. Et j'imagine que vous avez des guides pour les randonnées. Est-ce que c'est qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est les bénévoles? Alors, il y a beaucoup de bénévoles qui sont guides. Georges en est. Ah non, je ne suis pas guide. Tu es bénévole? Oui. Voilà. Et mais toi, tu es guide. Ah oui, alors au sein du club de Vanier, nous sommes 4 GRP. Je suis GRP avec 3 collègues. Et donc nous sommes 4 GRP, nous avons fait une formation spécifique pour emmener des groupes en toute sécurité sur des sentiers, je dirais, de pas tout terrain, mais peut-être un peu plus qui demandent un peu plus d'expérience, voilà, on va dire ça. Mais la formation est surtout faite pour l'encadrement. J'ai apprécié dernièrement de faire par exemple une sortie un peu plus sportive en faisant le tour de la Bresse, c'est-à-dire 52-53 km sur 2 jours avec un dénivelé de 2200 mètres à peu près. Un groupe de 12 personnes, dynamique, c'est de temps en temps pour faire une sportive, pour aussi intégrer des plus jeunes, dire ben, on fait pas que des marches lentes, on fait pas que des marches moyennes, on sait faire aussi mieux, plus haut, plus fort. J'organise aussi personnellement avec un collègue un séjour dans les Vosges à fin juillet où on va faire, pour exemple, de Bar à Saint-Odile. Ça doit faire à peu près 18 km pour 700-800 mètres de dénivelé. Mais là, il y a beaucoup de thèmes, la géologie, l'histoire, tout vit dans ces massifs. Dimanche, je suis allé reconnaître les deux Donons. Les deux Donons, c'est un site historique sur la Grande Guerre, sur le temple de Mercure qui existe au-dessus du massif de Donon à plus de 1000 mètres. Enfin voilà, quelques fois donc des marches un peu plus sportives pour dynamiser aussi et les gens qui ont envie de faire un peu plus fort et essayer d'intégrer des plus jeunes. Ça ne doit pas être facile de gérer un groupe parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Alors, ça paraît plus simple de guider un groupe de 15 personnes ou 12 personnes parce que le niveau est plus homogène que de guider un groupe de 48 personnes qui est totalement différent. Voilà. Comme Georges disait tout à l'heure, ça va de, on va dire, allez, 55 à 85 ans. En gros, hein, c'est notre public. Évidemment que quelqu'un qui est 55 ans dynamique et quelqu'un qui a 82, 83 ans qui l'est toujours mais qui l'est moins par nature. Évidemment, il faut gérer des balades qui conviennent à tout le monde et à 48 personnes, c'est assez compliqué à exercer, oui. Oui. Voilà. Alors, il faut être vigilant. Effectivement, quand on conduit un groupe, il y a toute une technique. Donc, il y a ce qu'on appelle le chef de course qui va lui ouvrir la marche qui est devant et qui va donner le rythme de la marche. Et il va faire en sorte, par rapport à l'ensemble des gens présents, que le rythme soit calé sur celui qui est le plus lent, si on peut dire, enfin tout au moins le moins rapide. Et c'est comme ça que ça s'est organisé. Et il y a en fin de groupe ce qu'on appelle un serfil, c'est-à-dire une personne qui veille à ce que personne ne soit laissé en dehors, parce qu'il y a toujours bon, parfois des envies pressantes ou autres, ou des amateurs de photos. Et il faut veiller à ne pas perdre les gens. Bon, dans les Vosges, c'est difficile de se perdre. Je le dis toujours, il faut faire exprès. Mais là où nous allons en Auvergne, il est possible de se perdre parce que la logistique, le balisage n'a rien à voir avec celui du club vosgien. Le balisage du club vosgien est un balisage unique au monde. Il n'en existe nulle part ailleurs. C'est quelque chose de particulier qui appartient au club vosgien. Même la Fédération française de randonnée n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire ? Eh bien, nous avons un balisage qui est très diversifié avec différents logos, des rectangles de couleurs, des triangles de couleurs, des anneaux de couleurs, des disques de couleurs, des chevalets, des croix. Qui vont signifier un type de chemin, de sentier différent. Par exemple, les rectangles sont les sentiers de grande randonnée. Logo que réutilise d'ailleurs la Fédération française de randonnée, ce qu'on appelle les GR, hein, GR5, GR6, etc., GR7. GR5, GR7 qui passent dans les Vosges. Les anneaux sont par exemple des circuits assez courts de 2-3 heures. Les croix, les chevalets sont des liaisons intermédiaires en règle générale. Le losange, si je me rappelle bien, enfin Michel me reprend si je dis des âneries, un chemin qui va traverser plusieurs communes, parfois à caractère départemental. Et les disques, ça doit être un peu la même nature, je crois. Alors les disques, ce sont des randonnées d'une journée et les anneaux sont des randonnées d'une demi-journée, voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut vous contacter pour se renseigner pour les différentes randonnées, etc. Alors nous avons un site avec sur la mairie de Vannier qui s'appelle Association Club Vosgien Section Marche, où vous trouvez notre calendrier de marche. Et c'est également publié à l'Office du Tourisme de Vannier. Alors justement, on va parler des séjours randonnées. Qu'est-ce que c'est, ça ? Vous en parliez tout à l'heure, Georges. Où c'est que vous avez été, par exemple ? Ah, je suis allé effectivement dans plusieurs endroits, dans les Alpes, dans le Massif central, dans le Jura, les Vosges, bien entendu, où il m'a été donné d'en organiser plusieurs, Michel également, puisqu'il en organise encore un cette année au mois de juillet. Donc, c'est la découverte des paysages, de la géologie, de la faune, de la flore. Alors certains d'entre nous sont plus à même de nous parler de tout ça parce que c'était dans leur passion ou dans leur métier. Moi, c'était pas trop dans mes métiers, mais c'est surtout la découverte des paysages. Et de tout ce que vous avez fait, est-ce que vous avez un paysage en particulier qui vous a le plus plu ? Ah, quelle est la perle des Vosges ? Tiens, tout le monde dit que c'est Gérardmer. Eh bien, moi, je dis que non, la perle des Vosges, c'est le lac des Perches, on devrait plutôt appeler Sternzi, c'est-à-dire le lac des étoiles, qui est derrière Rougegazon. C'est un lac absolument magnifique, aussi magnifique à regarder par au-dessus, par le sentier en balcon, que par en dessous en y descendant. Mais il y a beaucoup de très très jolis lacs magnifiques dans toutes les Vosges. Hein. Le Forlet, le Fischbolde aussi, qui est un lac magnifique qu'on ne peut voir qu'en s'y rendant. On ne peut plus le voir depuis les sommets, depuis les crêtes. La végétation a poussé. C'est un peu sec en ce moment-là. Oui, c'est un peu sec. Bien entendu, nous veillons à faire en sorte de ne pas provoquer d'accidents, d'incendies. Évidemment, pas de cigarettes, personne ne fume d'ailleurs, pas d'allumettes, pas de feu, pas de barbecue, pas de choses comme ça, hein, bien entendu. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Yves Montand et Michel Fugain. On se retrouvera juste après sur le 107. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. D'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. C'est bien trop court. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Michel Jacquemin et Georges. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Monsieur Jacquemin ? Je n'aurai pas le temps de Michel Fugain, je pense que tout le monde a compris le message. Je n'aurai jamais le temps de découvrir tout ce que je souhaiterais découvrir. Par la marche, je suis venu à la marche sans doute trop tard. Je suis venu à la marche il y a moins d'une dizaine d'années, donc je pense qu'il faudrait des dizaines d'années pour découvrir tout notre massif et le Jura et les autres massifs, les Alpes, etc. Bon, voilà, mais je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Yves Montand, bien sûr, que nous avons écouté également. C'est un petit peu l'insouciance dans la découverte. C'est l'amitié, les balades, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et le lac de Connemara, c'est un classique. Je trouve que notre joli massif des Vosges, je dis pas que ça ressemble un petit peu au Connemara, mais il y a des coins qui sont bien aussi sauvages et qui sont aussi jolis. Mais comparer les Vosges au Connemara, c'est quand même un petit peu prétentieux, mais mais c'est magnifique. Voilà, j'y suis allé plusieurs fois et franchement, voilà, ça me transporte à chaque fois et j'y retournerai. Bah, la chanson-là est intemporelle, on l'utilise tout le temps, surtout en fin de soirée des fois. Tout à fait. C'est quoi l'actualité du club vosgien de Vanier ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, l'actualité du club vosgien, ce qui s'est passé récemment quand même, j'en parle un tout petit peu. Bien sûr. J'ai représenté le club vosgien de Vanier à une randonnée binationale franco-allemande au Hartmannswiller-Kopf pour fêter les 60 ans du traité de l'Élysée. Et donc, en collaboration avec le club de marche de Forêt-Noire, son nom allemand m'échappe, nous avons marché une journée durant, participé à une commémoration au Hartmannswiller-Kopf, déjeuner et trinqué ensemble. Voilà. La semaine dernière, j'ai rassemblé tous les travailleurs bénévoles des sentiers pour faire un moment de convivialité sur l'espace d'un repas de midi qui a duré jusqu'à 16 heures, où chacun a amené son repas tiré du sac, mais le club vosgien de Vanier offrait et l'apéritif et les boissons pour le repas. Et puis il y a eu quelques jeux à la fin, des jeux en bois. Voilà, ça s'est très bien passé. La volonté de ça, c'était de faire connaître les clubs des communes qui sont associés sur ce secteur de Vanier, qui font des bénévoles, qui ne font pas forcément partie du club vosgien de Vanier, mais qui sont une association locale dans leur commune. Exemple, je pense par exemple au JRS, Jeunes Retraités Sapoisiens de Sapois, qui sont 14 à travailler sur nos sentiers. Voilà, il y en a d'autres. L'actualité du club vosgien, c'est aussi ce séjour là, qui est très proche, dans le Cantal. L'actualité à plus long terme, c'est aujourd'hui le remaniement de nos sentiers. La fédération, le président a souhaité que l'on diminue peut-être un petit peu nos sentiers parce que les gens qui s'occupent des sentiers précisément sont quand même vieillissants, seront moins nombreux dans les années qui viennent, seront moins actifs, etc. Et donc pour pérenniser tout cela, on pense à diminuer un petit peu nos parcours. Voilà. À les faciliter aussi, à développer le tourisme d'une autre manière, à faire des circuits plus courts, parce qu'on sent que le touriste d'aujourd'hui n'est pas le touriste d'hier, c'est pas forcément un randonneur au long cours, ce sont des gens qui cherchent des randonnées de quelques heures, de 2-3 heures, à pouvoir garer la voiture, partir 3 heures, voir un site, revenir, et voilà. Voilà. Donc, il y aura beaucoup moins de randonnées au long cours, on les connaît. Ça sera ce qu'a dit Georges tout à l'heure. Ça sera les sentiers de grande randonnée, les JR, les rectangles rouges ou autres. Mais il y aura plus de petits circuits, peut-être mieux indiqués encore. Mmh. Alors, l'autre aspect de cette réduction du nombre de sentiers et du métrage des sentiers, c'est la préservation de la faune et de la flore dans les massifs forestiers en France et vosgiens en particulier, qui pousse également à cela. Certains sentiers d'ailleurs ne sont pas autorisés à des périodes de l'année, liées notamment soit à la reproduction des animaux ou à leur hivernage également, que ce soit le grand tétra dont il n'y a plus beaucoup de sujets, et où les cervidés qui eux sont très nombreux, mais il y a des périodes de gestation où il faut qu'ils soient tranquilles. Voilà. Alors, au Club Vosgien de Vanier, on a une chance extraordinaire, c'est que nous sommes nombreux dans la section dite truc pour pouvoir entretenir l'ensemble des sentiers sur le territoire de Vanier. Donc, les entretenir, en créer, il nous est arrivé d'en créer, mais on n'en crée plus dans l'avenir proche. Il y a le balisage, bien entendu, mais il faut aller débroussailler, il faut aller enlever les arbres qui sont tombés en travers. Voilà. Et avec, on en parlait tout à l'heure, la sécheresse, on a de plus en plus de problématiques de chute d'arbres, qui font que si on a des vents supérieurs à 50 km/h, nous reporterons la randonnée. Mmh. Est-ce que vous avez des partenaires, par exemple, quand vous organisez des événements avec le Club Vosgien ? Alors, il y a un événement très proche, c'est l'inauguration de la place de la Libération à Vanier, où nous sommes en partenariat sur la présentation de nos topo-guides, puisque nous avons un topo-guide qui est commercialisé à l'Office du Tourisme, qui présente 18 sentiers un petit peu ciblés, 6 randonnées faciles, 6 randonnées moyennes, 6 randonnées difficiles. Et donc nous allons présenter ce sujet-là le jour de l'inauguration de la place de la Libération, en collaboration avec l'Office de Tourisme et l'association Accueil Tourisme. Mmh. Et quels sont vos futurs projets avec l'association ? Nos futurs projets, c'est durer, pérenniser, trouver des plus jeunes, puisque la fédération, le Club Vosgien existe depuis 1872, on souhaite que ça dure, que ça perdure, et voilà. Et nos projets sont vraiment axés sur ce thème. Mmh. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ou pas ? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Internet, oui, bien sûr, sur le site de la fédération. Fédération, Club Vosgien, etc. Sur les réseaux sociaux, certains clubs, oui. Je pense notamment à Saint-Dié, qui fait beaucoup de propositions de randonnée sur Facebook. Je pense à d'autres aussi qui sont également sur Facebook. Nous ne le sommes pas pour l'instant. Ça peut faire partie des projets, ça. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais il faut trouver là où les personnes qui ont la capacité de créer ce site sur Facebook et de l'animer. D'où l'appel à bénévole de tout à l'heure. C'est surtout l'animer, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous, à l'association, le club Vosgien de Vanier? Je vais laisser Georges répondre pour l'instant, je répondrai après. Ça, c'est une question piège. Hein. Enfin, Michel, il a déjà répondu en partie en disant qu'il s'agit bien sûr de durer. Et le club Vosgien, je dirais, c'est permettre aux gens de découvrir leur environnement proche, la nature qui est proche, la montagne vosgienne, y compris pour ceux qui viennent de l'autre côté de la France, hein, que ce soit de Lille, de Nantes ou de Tarbes, mais également permettre aussi, je dirais, la réconciliation. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, j'ai jamais été fâché avec la nature, hein. Mais que l'homme retrouve et se réacclimate à la nature, qui revienne dans un environnement. Parce que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'évolution de nos sociétés, c'est le fait que les gens qui vivent notamment dans les métropoles urbaines, dans les grandes villes, sont totalement déconnectés de la nature. Et on a remarqué ces dernières années de nombreuses interventions des services de secours, pompiers, PGHM, parce qu'on a des gens qui viennent dans les Vosges, parce que c'est pas très haut, ils se disent c'est de la montagne à vache, mais les Pyrénées et les Alpes aussi, c'est de la montagne à vache. Et toute montagne a toujours son lot de difficultés, de dangers. Et on le voit, toutes les semaines, tous les week-ends, des interventions nombreuses, des secours, parce que beaucoup de gens viennent, ils ne savent pas ou ils ne savent plus ce que c'est la nature. Et la nature, on compose avec elle, on vit avec elle, on ne la domine pas. Mmh. Et vous, Michel, du coup ? Alors, moi, c'est... J'affectionne particulièrement les moments de convivialité chez les bénévoles. Je souhaite vraiment que ça dure et que les jeunes comprennent que c'est... Les plus jeunes comprennent que ces moments de convivialité, c'est des moments extraordinaires à vivre. Travailler 3 heures, 4 heures sur les bords des sentiers et ensuite boire un petit coup ensemble, partager une baguette au lard, enfin tout ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est porteur, ça paraît puéril, mais franchement c'est des moments formidables. Et la deuxième chose, je voudrais aussi permettre à des plus jeunes de découvrir des choses qu'ils n'imaginent même pas possibles. L'an dernier, par exemple, on était au cours d'un séjour dans les Alpes, on a fait à 8 ou 9 personnes l'ascension du mont Tabor, qui est quand même à 3100 mètres, partant de Valoire. Tout seul, c'est strictement impossible. Avec un petit groupe correctement encadré, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et vraiment, ces challenges-là, alors nous, on est de moins en moins en âge de les réaliser, mais l'apport de plus jeunes, ou en tout cas... cette capacité des plus jeunes à faire ceci doit être de s'exprimer. Mmh. Et puis rappeler que la montagne, alors certains en font un exercice solitaire, performant, ça c'est leur problème, mais c'est aussi, comme le dit Michel, une affaire de convivialité, c'est pouvoir marcher sur les sentiers, contempler la nature, découvrir ensemble les belles choses de la vie et de la nature. Et il y a une règle dans tous les clubs de marche, quels qu'ils soient, et même quand on fait ça entre amis, on ne laisse jamais quelqu'un tout seul en arrière, ou en avant d'ailleurs. Mmh. Et, c'est une expression aussi de la solidarité et de la fraternité. Je crois qu'il y a eu dernièrement une dame qui a été faire de la randonnée toute seule et qui était coincée puis qui n'est jamais revenue. Je crois que c'était dans les Vosges. On a vu récemment effectivement une dame au Lichpa, qui s'est enlisée dans une tourbière, parce qu'elle n'avait pas vu qu'elle était sur une tourbière, et voilà, ça paraît tout bête. Alors, nous sommes effectivement en capacité de gérer tous ces sujets, d'empêcher ça, évidemment, et au pire, de gérer correctement ces sujets si jamais il y avait des accidents de cette sorte. Mais oui, on voit des accidents sur des gens qui partent seuls sur des sentiers qui sont quand même réputés dangereux. Sentier des Roches, tous les ans, il y a des morts sur les sentiers des Roches, ce qui ne devrait jamais exister, ce qui ne doit pas exister.